La vie est bizarre tout de même. Je dirais même étrange. Au départ, je devais pas venir à Bitbourg. Je ne suis qu'un ridicule chargé de commission au bureau. D'ailleurs, c'est quoi ça, chargé de commission au bureau, hein? Quand je dis à quelqu'un que je suis chargé de commission au bureau, il hoche la tête pour dire qu'il a compris, alors que dans le fond, il comprend rien. Non, c'est ça, hoche la tête toi aussi. Si j'étais pas atteint de cette maladie, je m'en serais bien passé de la campagne, moi, hein? Mais non, je suis malade et le seul remède que m'a conseillé le docteur, c'est l'air pur. Je savais bien, moi, hein, quand Rebecca s'est proposé de m'accompagner pour que je sois pas seul en prétextant qu'en plus, on pourrait en abattre du boulot en vacances. Je savais que si elle venait avec moi, elle me ficherait dans la mouise. Quand on est passé juste à côté de Bitbourg, elle m'a demandé de m'arrêter et elle a dit que c'était l'endroit idéal pour que je guérisse. Pourquoi je l'ai écouté, quoi? Pourquoi je l'ai écouté, merde? Bien sûr, toi, tu peux pas me répondre, hein. Tu t'en fous complètement de ce que je te dis. Allez, ouais, resserre-moi un verre, va. Puis j'ai découvert toutes ces conspirations. La délocalisation de la ville, la construction de votre hôtel, en passant pour le tueur fou de Bitbourg. Tout. J'ai tout déjoué. Je suis un héros, mais personne ne veut le reconnaître. Oh, c'est chier. Et quand on s'est retrouvé dans la forêt avec Rebecca et qu'on est tombé sur cette charmante Jacqueline Aboubiara, vous savez, la femme de ménage du centre de détention Jacqueline Boubiara, eh bien Rebecca, elle a rien trouvé de mieux que de me dire que Jacqueline, en fait, c'était la grande voleuse Jacqueline Boubiara, justement. Elle me fait pas confiance, elle me croit jamais, et puis d'un coup, allez hop, comme ça, elle va me prétendre des trucs qui sont même pas crédibles. Jacqueline Aboubiara, une simple femme de ménage qui serait en réalité la grande voleuse Jacqueline Boubiara. Non mais, vous voyez le tableau? D'autant plus que je l'ai vue, Jacqueline Boubiara, elle m'a parlé. Elle avait un plan pour m'aider à sauver Bitbourg de ses conspirations. Je devais être maire de Bitbourg. Et puis les Nantais qui ont voté ont élu monsieur le maire. Encore une conspiration, plus rien. Aucune nouvelle de Jacqueline. Il m'a oublié. C'est ça. C'est ça. Tout le monde vous oublie. Mais vous, faut pas oublier de me dire si vous la voulez, cette chambre, ou pas. Parce que j'aimerais bien dormir, moi, sinon. C'est vrai. Ah. Hors de question que je retourne dormir à la Joyeuse Goutte. C'est de la faute à Carole si je suis pas mère, et à Rebecca aussi. En plus, elle me laisse jamais dormir sur le lit. Je dois tout le temps dormir par terre, alors... Oui. Oui, je prends votre chambre. Oui, reprends l'hôtel. Très bien, c'est au deuxième. Et je vous ai pas mis de serviette pour que vous puissiez pas les voler. Et avec quoi je m'essuie si je prends une douche? Vous voulez des Kleenex? Mais je vais passer des heures pour m'essuyer, ne serait-ce que le petit doigt avec des Kleenex. Vous avez jamais pris de douche ou quoi? Si, mais j'ai l'épiderme relativement lisse. Les gouttes d'eau glissent et je sèche naturellement. Merci d'avoir pris une chambre à la Belle Étoile. Le seul, l'unique, le grand hôtel de Bitbourg, monsieur David. Je vous laisse ce paquet de Kleenex. Ça me coûte moins cher que de vous donner des serviettes. Et moi, je vais me coucher. Allez, bonne nuit. Ouais, c'est ça. Ouais. Bonne nuit. On peut même pas prendre un verre au comptoir tranquillement et discuter avec le réceptionniste de l'hôtel quand on est à Bitbourg, hein? C'est ça? Parce que Bitbourg, c'est pas une ville normale avec leur « autant que je m'en souvienne, aussi loin que je m'en souvienne, et patati, et patata ». Bon, deuxième étage, il a dit. Eh ben, je vais prendre l'ascenseur, comme ça je vais pas trop me fatiguer. Bonsoir, bienvenue dans les ascenseurs Bitbourg Palace. Les seuls ascenseurs Bitbourg Palace munis du dernier système de poussée au plutonium utilisé par la NASA pour lancer leur fusée. Ce système vous confère une vitesse de croisière excessive, mais qui vous amène à bon port dans un temps record. Veuillez prendre place contre la glace du fond et attacher vos ceintures dès maintenant. Et on attache sa ceinture et ça fait bling, et je fais ah pour changer. Attention au départ. 5, 4, 3, 2, 1. Mise à feu des boosters. Non ! Attention, nous arrivons au cinquième étage. Nous devons donc redescendre puisque vous avez demandé le second étage. Oh pardon, erreur de visée. L'ascenseur effectue une courbe. Trajectoire anormale. Trajectoire anormale. Allumage des boosters latéraux. Nous reprenons une trajectoire normale. Bilan des pertes humaines, 0%. Nous demanderons donc à notre aimable clientèle de ne pas intenter de procès à la Bigbourg Palace Company. Deuxième étage, instinction des boosters. On est enfin arrivé. Ouverture des portes, bonne soirée. Ouais, à vous aussi. Merci, vous êtes bien aimable. Que dire après ça, hein? Bienvenue à Bigbourg. Que dire lorsqu'on ouvre ces volets sur la campagne qui entoure Bigbourg, cette charmante ville située approximativement dans le Bas-Rhin? Que dire lorsqu'on voit un gros lapin rose? Un gros lapin rose? Non! Bonjour, bienvenue dans les ascenseurs Bigbourg Palace, nous sommes... C'est ça, au rez-de-chaussée, et vrai train! Désolé, nous ne connaissons pas cet ordre et... Je peux prendre l'escalier aussi si tu veux. Et si tout le monde prend l'escalier, ça rend l'ascenseur inutile. Vous avez demandé le rez-de-chaussée. Booster allumé. Bonne journée. Ouais, c'est ça. Jack! Voilà. J'arrive. Si on peut même plus essayer d'écrire un roman tranquille. Danny, arrête de voir l'avenir et va te laver. Il est déjà 10h du matin. On n'est pas à l'Overlook ici, Danny. Tu dois arrêter d'essayer de contacter les morts. Oui, alors? Qu'est-ce que ce sera pour vous, monsieur David? J'ai vu un gros lapin rose dans le pré derrière l'hôtel. Oui? Et un gros lapin rose qui déposait des œufs. Oui? Un lapin énorme. Oui? Mais encore... Vous comptez me prendre pour un con encore longtemps? Je vois, ouais. Encore un problème que je vais devoir résoudre seul. Non, pas seul. Il me reste mon informateur secret. Mais où le contacter? Vous avez un informateur secret? Non, je disais... Oh, et puis merde, oublié. Vous reviendrez manger ici, ce midi, monsieur David? On verra si j'ai le temps. Une longue journée m'attend. Monsieur le maire? Monsieur le maire? Mais monsieur le maire, que faites-vous? Eh bien, ça ne se voit pas! Je m'installe dans mon nouveau bureau de maire! Mais monsieur le maire, vous n'avez pas changé de bureau. On vient juste de vous réélire. Vous étiez maire avant, monsieur le maire. Et alors? Si c'est un plaisir pour moi de préparer mes petits cartons pour ensuite tout déballer, c'est mon droit le plus district! Strict, pas district. Quoi, un district? Mais Bigbourg n'a pas de district! Ce n'est pas une assez grande ville! Je sais qu'après notre petit voyage à Nantes, plein de petites idées ont germé dans vos têtes, monsieur son conseil municipal. Mais de là à ce que nous copions sur cette ville, Bigbourg doit rester Bigbourg et aller de l'avant en respectant son passé. Très bien, monsieur le maire. Mais si vous voulez remettre vos affaires pour votre nouveau mandat, essayez au moins de les changer de place. Mettez votre bureau ici et quelques tableaux par là. Ce serait contraire à mes idées, monsieur son conseil municipal. Souvenez-vous, je change les choses pour qu'elles soient comme elles étaient auparavant. Je remettrai mon bureau à sa place, ainsi que les tableaux et le reste des affaires. Mais au fait, pourquoi venez-vous me déranger? Vous n'avez pas du travail de votre côté? Eh bien, monsieur le maire, vous avez été réélu à 52% des voix. Et nous n'avons pas encore fêté cela. Évidemment, mais nous sommes revenus de Nantes en avion et nous avons eu ce malencontreux incident qui nous a valu quelques temps d'hôpital. Oui, c'est vrai. Votre fête va mieux? Ma tête va mieux, monsieur le maire. Voilà, comme vous le savez, nous arrivons dans la période de Pâques et... Pâques! Ma mère m'offrait souvent des cochons au chocolat. Elle trouvait que les poules, c'était trop surfait. Elle était avant-gardiste, ma mère, vous savez. Elle mettait les tableaux à l'envers. Car pour pour elle, l'art, c'était rentrer dans le mur des conformités. Pour elle, c'était sa meilleure œuvre d'art. Et croyez-moi, le mur des conformités, ça fait mal à la tête tellement c'est dur. Oui, enfin bref, bon, je vous ai apporté des chocolats, voilà. Oh, comme c'est gentil! Merci, monsieur son conseil, des chocolats! Mais vous ne les ouvrez pas? Ils sont Groenlandais. Groenlandais? Ils font des chocolats là-bas? Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours commandé mes chocolats au Groenland. Je goûte, hein. C'est bon, n'est-ce pas? Je crois que je n'ai pas le terme, monsieur mon conseil. C'est fait avec du phoque, et notamment la graisse et le lait. Du phoque? Je crois que je suis tombé sur une moustache. Vous n'avalez pas? C'est pour mieux apprécier le goût, vraiment, mais j'ai tellement de chocolat que je ne sais plus quoi en faire. Tenez. Ah, monsieur le maire, non, c'est un cadeau, toute la boîte est pour vous. Toute la boîte? Mais il ne fallait vraiment pas, monsieur son conseil. Si, j'insiste, monsieur le maire, j'insiste. Non, vraiment, il n'y a aucune raison particulière, vraiment. Allez, moi je retourne travailler. Et puis, je compte sur vous pour que quand je reviendrai vous voir, la boîte ne soit pas finie. Faites-moi confiance, je crois même que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, bon, que ces chocolats vous fassent au moins toute la semaine. Oh, voire même l'année. Allez travailler, monsieur son conseil municipal, allez travailler. Oh, docteur Bottomy, le patient que vous venez d'opérer est toujours en vie, c'est génial. Ah oui, je crois bien que j'ai perdu la passion qui m'animait. Tommy, mais ne soyez pas triste! Vous vous êtes remis de toute cette sale histoire tout de même, non? Vous savez, Jennifer, être possédé par l'esprit de l'homme que vous avez assassiné, ce n'est pas comme lorsqu'on joue au golf. Quand vous réussissez un trou, il vous marque pour toute la vie. Oui, bah c'est ce que me disaient tous mes petits amis le lendemain matin. Hein. Je vous en prie, Jennifer, ne me rendez pas jaloux encore une fois. Oh, pardon, docteur Bottomy. Vous savez bien que vous êtes mon docteur à moi. Allez, souriez. Non, Jennifer, je crois que j'ai perdu le coup de fibre. Docteur Bottomy, attendez. Le docteur Frankenstein est demandé à l'accueil. Je répète, le docteur Frankenstein est demandé à l'accueil. Nous rappelons à nos aimables patients que le service de podologie n'est pas le service qui soigne les peaux remplies d'eau, mais bien le service qui soigne les pieds. Nous demanderons donc aux jardiniers qui attendent de bien vouloir dégager le passage. Merci. Larynx? Larynx, où êtes-vous? Larynx? Vincent? Abdoul? Oui, Abdoul, Paula, épicier. Bonjour, je ne vous sers pas la main, j'étais en train d'uriner. D'où les psit? Pour autant que je m'en souvienne, j'ai toujours fait ce bruit en urinant. Et vous urinez souvent près de la forêt comme cela? Oui, il n'y a rien de mieux que redonner à la terre ce que votre corps ne peut accepter. Pardon? C'est prendre son pied que de pisser sur un arbre, en pleine nature. Mais qui est donc ce larynx que vous appelez comme ça? Et mademoiselle comment déjà n'est pas avec vous? Non, je veux plus lui parler pour le moment, elle me broute. Vous savez qu'à Bitbourg Sud, l'endroit d'où je viens, les vaches sont sacrées. Je ne vois pas le rapport. Ah, celui qui est aveugle est un insouciant. C'est vrai que Gilbert Montalier a un comté naïf. Je veux dire qu'il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Et vous trouvez ça drôle? Non mais dites-moi Abdoul, vous qui vous promenez de si bon matin dans la campagne, vous n'auriez pas aperçu quelque chose d'anormal? Monsieur David, combien de fois faudra-t-il vous le répéter? Aussi loin qu'on s'en souvienne, il ne s'est jamais rien passé d'anormal à Bitbourg. Non mais je veux dire, vous n'auriez pas vu un animal plus gros que la moyenne, d'une couleur rose bonbon? Un lapin rose? Oui, c'est ça, un lapin rose. Vous trouvez ça normal, un lapin rose, vous? Eh bien, ça ne m'a pas plus choqué que ça. Il s'est dirigé vers la nationale. C'est là où il y a la station-service? Tout à fait. Suivez les œufs. Le lapin rose a pondu des œufs. Eh bien, Abdoul, pour une fois, vous avez la preuve de quelque chose d'anormal à Bitbourg. Quoi donc? Mais le lapin qui pond des œufs, Bronsran! Allez, je vais à la station-service. Si je ne reviens pas d'ici 24 heures, appelez l'armée. Elle saura quoi faire. Je ne veux pas d'un Godzilla à Bitbourg. Qu'est-ce qu'il peut bien trouver d'anormal? Un lapin rose qui pond des œufs. Oui, alors, c'est Pâques! Thank you. Allez, papa Alberto, la douche, elle est finie, ça y est, on s'essuie bien ses petites fesses et on sort. Oui, oui, monsieur Maton. Je reviens, Maton, on me la fait pas, moi, hein. J'arrive tout de suite. Oh là là, là là là là là là. C'est bizarre quand même. Quand je me suis évadé, la prison me manquait. Et quand je suis en prison, c'est l'évasion qui me manque. Et Jacqueline qui vient jamais me voir. C'est normal. C'est Jacqueline Boubillard, ma grande voleuse jamais arrêtée jusqu'alors. Elle va pas venir me rendre visite à la prison quand même, sinon elle risquerait de se faire arrêter. Heureusement qu'il y a Jacqueline Boubillard, la femme de ménage du centre de détention Jacqueline Boubillard. Sinon qu'est-ce que je m'emmerderais encore plus que je m'emmerde déjà. Hop là Alberto, j'ai dit qu'il fallait sortir de ta douche maintenant. J'arrive, monsieur Maton. Allez Alberto, on va voir monsieur le directeur, il a des trucs pour toi. Oh, des choses? Non, des trucs, des machins quoi. Allez, allez, allez, allez, allez. Allez, allez, allez, allez, au pas de course Alberto. T'as pris du poids ces derniers temps, il faut t'en perdre un peu. Mais non, je suis pas gros, j'ai pas de grosses fesses. Mais non, t'as juste pris un petit peu de poids, c'est tout, c'est pas grave. Tu vas retrouver ta ligne d'antan. Allez, allez, au pas de course et on chante, allez, on chante. Et je cours dans la prison, et je cours dans la prison, et je transpire sur mon front, et je transpire sur mon front. J'ai fait des choses très vilaines, j'ai fait des choses très vilaines. Il faut que je purge ma peine, il faut que je purge ma peine. Oh oh, y'a quelqu'un? Hey, y'a quelqu'un? Oh oh. Bon bah je rentre hein, c'est ouvert. Il y a quelqu'un? Je suis désolé, je suis rentré, c'était ouvert. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, le pompiste. Et pourquoi vous venez jamais quand je vous appelle? Vous avez acheté une voiture depuis la dernière fois que vous êtes venu? Bah non, j'en ai déjà une. Bah c'est comme ça que nous sommes arrivés à Bitbourg avec Rebecca, pas à pied. Bah je m'en sers jamais ici et... Bah alors? Vous êtes pas en voiture? Vous voulez que je vous la mette où, la pompe à essence? Dans votre cul? Vous êtes vulgaire. Non. Je suis juste pas content qu'on vienne m'embêter pour rien. Qu'est-ce que vous voulez encore? La dernière fois que vous êtes venu, vous avez carrément ouvert un silo à essence et j'en ai eu pour 100 000 francs de réparation. Je suis vraiment désolé, hein, vraiment. Vous êtes toujours Anabaptiste? Anaki? Anabaptiste. La première fois que je vous ai rencontré, vous disiez que vous étiez Anabaptiste. Quelqu'un qui n'a pas encore été baptisé et qui ne peut choisir son nom qu'à partir de 18 ans. Et que vous n'avez toujours pas choisi le vôtre. Non, je suis plus Anabaptiste. Je suis juif maintenant. Pardon? Appelez-moi Ernest Gasol. Gasol? Gasol, comme le gasol. Comme le gasoil. Le gasol! Le gasol! Pourquoi vous comprenez rien à ce que je vous dis? Bon, vous voulez pas d'essence, alors qu'est-ce que vous êtes venu faire? Eh bien, je suis à la recherche d'un lapin rose géant. Dis donc, Alice, tu veux pas que je te souhaite un joyeux non-anniversaire non plus? Hein? Oh, je ne sais pas, on ne m'a jamais souhaité de joyeux non-anniversaire, je ne sais pas comment on procède. Bon, fichez-moi le camp, je veux plus vous voir ici! C'était quoi ce bruit? Je sais pas, peut-être un camionneur qui vient prendre de l'essence. On est dans une station-service ici. Mais pour faire un bruit comme ça, soit c'est un gros camionneur, soit c'est un camionneur de taille normale mais qui a de grosses mains. Venez, on sort ensemble. Oh là, petit gars, je suis pas dans la partie, moi. Moi non plus, mais je ne vois pas à quoi vous voulez jouer. Ok, le prix Nobel. On va sortir, mais doucement. Le lapin géant, regardez, il croque, il reprend à croquer. Où c'est que vous voyez un lapin géant, vous? À gauche, regardez, à Gronkh! Où ça? À Gronkh! Oh non, il a disparu en forêt! Bon, c'est bon, vous avez fini? Moi j'ai du boulot, je vous souhaite pas de bonsoir. Vous allez me laisser comme cela? Et le lapin rose géant, si jamais il rentre dans Bitbourg, il risque de tout casser. Et revenez! Il faut prévenir les autorités! Et merde, c'est encore pour ma pomme! Marre d'être un héros, moi! Que vouliez-vous me dire, docteur Bottomy? C'est avec plaisir pour moi de vous recevoir dans mon bureau, mais j'ai du mal à saisir tous vos propos. Eh bien, c'est très simple, monsieur le directeur. Vous êtes une femme de grande importance dans Bitbourg. Vous représentez l'autorité judiciaire de Bitbourg, la balance de la justice. De quel droit me traitez-vous de balance? Je vous prie de faire attention à ce que vous dites, docteur Paolo Bottomi. Excusez-moi, c'était un compliment. Une balance? Ça veut dire quoi, ça? Que je suis grosse? Que je devrais perdre du poids, hein? Comme si nous, les femmes, sous prétexte qu'on fait un petit peu attention à notre ligne, on est obnubilés par notre poids. C'est pas vrai, ça, enfin! Je suis désolé, je voulais simplement dire que vous êtes le directeur, enfin la directrice du centre de détention Jacqueline Poupillard. Et voilà, j'en ai déjà parlé à l'abbé Molsi pour qu'il absoume mon péché, mais je dois me confier aux autorités. Je ne peux plus vivre avec ça sur le cœur. J'ai tué un homme, monsieur le directeur. Pardon ? J'ai tué un homme, monsieur le directeur. Mais qui donc ? Eh bien... Vous vous souvenez du docteur Gérard Tumbo qui était venu me voir à Bitebourg? Oui, vaguement. Eh bien, il a eu des vues sur mon infirmière, Jennifer. Je lui ai dit qu'il n'avait qu'à se trouver sa propre infirmière, mais il ne m'a pas écouté. Il a continué et je l'ai tué, par jalousie. Nous l'avons enterré dans la forêt et par je ne sais quelle machine noire, son esprit est venu posséder mon corps. Oui, ça je m'en souviens, vous avez été possédé par un esprit malfaisant. Mais vous l'avez vraiment tué? Oui. Je dois être en prison. J'ai fait une chose vilaine. Oui, c'est vilain, effectivement. Mais ce que vous me demandez là, c'est... Comment dire, nous devrions faire un procès. Je peux me mettre dans une cellule en attendant le procès? Oui, tout à fait. Nous avons de la place. Jusqu'ici, nous n'avons qu'un détenu. Le surveillant Maton devrait arriver d'un moment... Toc, toc, c'est le surveillant Maton, monsieur le directeur. Je peux entrer, monsieur le docteur? Entrez, surveillant Maton, entrez. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, Alberto. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Bonjour, Alberto. Oh, docteur Paolo Bottomi. Docteur Bottomi. Premièrement, je t'ai préparé un énorme gâteau au chocolat pour Pâques. J'espère que ça te plaira. Oh, merci, monsieur le directeur. Deuxièmement, tu ne seras plus le seul détenu du centre de détention Jacqueline Poupillard. C'est vrai? Pardon, monsieur le directeur? Le docteur Paolo Bottomi vient de se livrer pieds et poings liés à la justice. Pardon, j'ai encore les mains libres! Mettez-moi des menottes! Mettez-moi des menottes! Surveillant Maton? Tout de suite, monsieur le directeur! Je veux plus être seul alors? Cela dépendra. Le docteur Paolo Bottomi restera en détention jusqu'à l'issue de son procès qui déterminera alors si, oui ou non, il mérite de purger une peine dans le centre de détention Jacqueline Poupillard. Voilà votre gâteau, Alberto. Surveillant Maton, veuillez accompagner le docteur Paolo Bottomi dans ses nouveaux appartements. Allez, hop, Paolo, on se lève et on va manger du sac et on va prendre des douches. Mais attention, on me le fait pas, moi. Docteur Bottomi? Oui, monsieur le directeur? Je voulais juste vous dire merci pour avoir fait une chose très, très vilaine. Mais c'est tout naturel. Non, vraiment, vous redonnez un sens à mon métier de directeur du centre de détention. Merci. Merci. Avec Roby, le meilleur animateur du centre du monde. Wepa, c'est Roby qui vous parle en direct des studios de BBFM. Et c'est une belle journée qui continue dans la commune de Bitbourg. Yes, et à tous les Bitbourg angevois, à toutes les Bitbourg angevoises. Je vous aime, je vous adore, j'ai la pêche. C'est Pâques. C'est Pâques, je vous conseille de prendre toute votre dose de chocolat, surtout si elle vient d'Afrique du Nord et qu'un petit coquin a rajouté un petit cadeau spécialement à votre attention. Le Space Cake au chocolat, ça vous donne des ailes. Allez, yes, on va s'écouter un petit morceau de musique pour danser sur le dance floor. On vous ses petites fesses, ambiance disco sur BBFM. Ambiance, je te mets le show, je te mets le show et on se retrouve tout de suite après ça. Putain, j'ai la tête en carton moi aujourd'hui. BBFM, bonjour, Roby à l'appareil. Roby, c'est Vincent. J'ai besoin de ton aide. Yes, ça, et Vincent, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'en ai reçu une tonne hier, c'est de la bonne bombe de balle, bébé. Hein? Mais non, je ne retrouve pas la ringue géante, mon informateur secret. Je suppose que les informateurs secrets ont droit eux aussi à des vacances, quoique... Peut-être qu'il a été kidnappé, que les conspirateurs le torturent et tentent de le faire parler. Il est peut-être en train de me dénoncer, et... Oh, tu crois qu'il est allé en vacances, Vincent? En Turquie? Un lapin géant. Il faut prévenir Bitbourg. Il faut regarder un bras cru. Oh, là, je sais pas ce que t'as pris, toi, mais il m'en faut. Oh, et puis merde. Marre, personne m'en croit. Vraiment marre. Bonjour, Vincent. Jacqueline? Non, ça fait si longtemps, mais qu'est-ce que tu fais en ville? C'est dangereux, on pourrait t'arrêter. Tu es la grande voleuse. Ne t'inquiète pas, Vincent. J'ai une couverture. Bah non, t'es en t-shirt. D'accord, t'as pas changé. Bien, il faut qu'on parle tous les deux. Allons se réfugier au cinéma. Ah, c'est vrai, j'avais oublié que vous aviez un cinéma à Bitbourg. Aussi loin qu'on s'en souvienne, on a toujours eu un cinéma à Bitbourg. Messieurs, ainsi que je le disais, nos recherches actuelles un lapin sont géant, d'importance donc. Que je qualifie. Oui, un lapin rose géant qui saute partout dans les champs et qui dépose des œufs. Un lapin, rien de plus normal, c'est Pâques. Mais toi, Jacqueline, qu'est-ce que tu as fait depuis tout ce temps ? Eh bien, après l'évasion ratée d'Albert Tollard, il fallait que je revienne à une vie normale, que je me cache. Je suis donc revenue à mon autre identité, pour que personne ne se doute de rien. Mais le plan que je t'avais proposé marche toujours. Le plan ? Et comment le réussir puisque je n'ai pas été élu maire de Bitbourg ? Comment combattre les conspirations lorsque je suis tout seul contre tous ? Tu n'es pas seul, Vincent. Je suis là, moi, à tes côtés. Écoute, dès que l'occasion se présentera, nous pourrons faire tomber monsieur le maire. Et là, tu pourras faire de Bitbourg ce que tu veux. Vraiment ? Oh, Jacqueline, tu es vraiment la meilleure amie que n'importe qui rêverait d'avoir. Ben, il faut que j'y aille. Je te recontacterai le moment opportun. Mais, et le lapin rose ? Le lapin rose ? Le lapin rose, oui. Eh ben, c'est un combat que tu devras mener tout seul, Vincent. Très bien, Jacqueline. Je serai à la hauteur. Quel crétin ! Mais j'ai besoin de lui pour arriver à mes fins. Et là, tout Bitbourg tombera aux pieds de Jacqueline Boubillard. Et les pauvres deviendront riches et je volerai les riches pour tout garder pour moi. Et étant donné que rien ne nous a été dérobé, j'espère qu'aucun de vous ne verra d'objection à ce que... Monsieur le professeur, s'il s'agit d'espionnage industriel, et je ne serais pas étonné que ce soit le cas, il se pourrait que l'inconnu ait photographié les documents qui l'intéressaient et qu'il se soit ensuite enfui sans avoir été appris. Casoni, monsieur le maire ! Je n'ai pas jeté vos chocolats par la fenêtre, je vous le jure, monsieur son conseil ! Jeter les chocolats ? Mais de quoi parlez-vous ? Des chocolats que vous m'avez offerts, fort délicieux par ailleurs, hein. C'est un coup de vent, je vous le jure. Ils étaient sur le bord de la fenêtre à prendre l'air et... ils sont tombés dans la cour de l'hôtel de ville. J'ai absolument rien pu faire. Ah, mais vous inquiétez pas, j'ai une autre boîte si vous voulez. Non, vraiment, ne vous donnez pas cette peine, monsieur son conseil. Offrez-la plutôt à des gens qui en ont besoin, des masochistes par exemple. Bon, monsieur le maire, c'est une terrible nouvelle que je viens vous annoncer. Eh bien, allez-y, on n'est plus à ça près. Le docteur Paolo Bottomi vient de se livrer à la justice. Il s'accuse lui-même d'avoir tué un homme. Quoi ? Oui, c'est terrible. Mais c'est terrible ! C'est terrible ! Il y aura donc un nouveau détenu au centre de détention Jacqueline Boubillard ! C'est impossible ! Nous n'avons toujours eu qu'un détenu ! Une seule personne à Bitbourg qui a commis une chose très très vilaine ! Nous ne pouvons nous permettre d'en avoir deux. Ce n'est pas cela que je considérais comme terrible, monsieur le maire. Un procès est d'ores et déjà prévu. Mon Dieu ! Un procès ! Je n'ai jamais aimé les procès. C'est terrible. C'est ça que je considérais comme terrible, monsieur le maire. Bon, allez, je vais vous chercher une autre boîte de chocolat, ça vous aidera à vous calmer. Hein. Monsieur son conseil, je vous en prie, pas de chocolat. Ah, parcourir la forêt, tel l'aventurier à la recherche de mystères encore jamais découverts ni même élucidés. Ah, cette sensation de pouvoir et de liberté, ah, être un héros et courir l'aventure et... Tu cherches quelque chose, petit gars ? Oh, le lapin rose géant ! Mais vous parlez ? Eh ben ouais, je parle. Vous allez me faire du mal, moi ? Enfin, moi, je voulais pas vous en faire, vous savez. Alors comme ça, on se met à la recherche du petit lapin rouge et en Bitbourg, et on prend même pas ses précautions. Faut avoir bien du courage, petit gars. Enlevez votre patte de mon épaule, enlevez votre patte de mon épaule ou je ne réponds plus de rien. Qu'est-ce que tu vas me faire ? Me frapper ? Non, je risque de me faire dessus. Quand j'ai peur, je ne réponds plus de ma vessie ni de mes intestins qui digèrent très vite. Bon, te fâche pas, petit. Je déconne. Allez, viens prendre le thé avec moi dans mon terrier. On va discuter. Combien de sucre ? Un seul, ça suffira. C'est sympa comme terrier, la déco, tout ça, les racines. Ça fait terroir, hein, c'est bien. Ça fait surtout terrier. Voilà votre thé. Désolé, je comprends que pour vous, un terrier, ça ne soit pas super agréable, mais je n'ai pas toujours été un lapin, vous savez. Quoi ? Avant, j'étais contrôleur des impôts à Bitbourg, dans les années 70. Et puis, l'armée est venue à Bitbourg pour faire des expériences. L'armée ? Peut-être que c'est elle qui conspire à Bitbourg. Non, ils sont partis. Et aussi loin qu'on s'en souvienne, je n'ai jamais vu de conspiration à Bitbourg. Ouais, ok, ça m'étonne pas ça. Tout le monde est aveugle ici. Je me suis porté volontaire pour faire des expériences de l'armée. J'étais un cobaye. Et puis, un incident a fait que l'expérience génétique dont j'étais sujet a eu un accident. Je suis devenu un lapin rougiant. Conscient qu'aucune vie sociale ne s'ouvrait à moi, je me suis enfui une nuit et puis je me suis terré dans la forêt pour voir le monde de l'extérieur m'évader. En ermite, quoi. Et pourquoi vous sautillez alors dans les champs ? Pourquoi vous déposez des œufs gigantesques si vous voulez être un ermite ? Bah, je sais pas quoi. Personne ne vous a jamais remarqué depuis le temps que vous faites ça ? Bah, non. Je suis relativement discret, vous savez. Du haut de vos 3m40 ? Bah, ouais. Bon, monsieur le lapin, ce fut un plaisir, j'ai adoré votre histoire, mais je dois y aller maintenant. Si ce que vous m'avez dit est vrai, des conspirateurs ont tenté de transformer tous les contrôleurs des impôts de Bitbourg en animal. Peut-être monsieur le maire, peut-être... Mais t'es complètement parano, petit gars. Pardon ? T'es complètement parano ? Bon, bah, je repasserai vous voir à l'occasion, on se fera un civet, alors. Vous voulez me battre dans votre gueule ? Pardon, des fois, je ne contrôle pas mes mots. Allez, au revoir, monsieur le lapin. Au revoir, monsieur le maire, je sais qu'il est là. N'insistez pas, monsieur David, n'insistez pas. Je vous le répète, monsieur le maire est en réunion. Mais avec qui ? Vous êtes son seul adjoint, son conseil municipal en entier. C'est monsieur son conseil municipal, monsieur David. N'écorchez pas mon nom de famille, je vous en prie. Mais laissez-moi entrer ! Je vous dis que vous ne pouvez pas. Monsieur le maire est en situation de crise. Oh ! Vous voyez ? Qu'est-ce que je vous disais ? Merde. Je vous jure que c'est important, monsieur son conseil municipal, c'est très important. J'ai trouvé la preuve irréfutable qu'il y a déjà eu des conspirations à Bitbourg. Monsieur son conseil, je ne voulais pas vous le dire, mais là, je n'en peux plus. Au chocolat, je ne peux pas les finir. C'est de la merde. Pardon ? Mais ce sont mes meilleurs chocolats et... Monsieur Vincent... Vincent David. D'ailleurs, monsieur le maire... Monsieur David, goûtez et dites-lui vous que ces chocolats, c'est de la merde. Je n'ai pas le temps, monsieur le maire. Je vous apporte la preuve qu'il y a eu des conspirations à Bitbourg. La preuve irréfutable. Mais de quoi parlez-vous ? Venez, je vais vous montrer. Vous savez, monsieur Vincent, j'ai normalement beaucoup de travail. J'espère que vous vous rendez compte de la fleur que je vous donne. Ce n'est pas tous les jours que je pourrais me promener dans la forêt avec vous. Voilà, c'est là. Regardez ce terrier. Il est énorme, c'est un énorme terrier. Qui dit énorme terrier, dit énorme lapin. Un énorme lapin ? Mais de quoi parlez-vous ? Mais du lapin aux géants ? Je ne suis pas fou. Il existe. Je lui ai parlé tout à l'heure autour d'une bonne tasse de thé et... Oh, regardez donc, le père Isan. Bonjour, père Isan. Boy, oui, mais non, oui, sous conseil municipal. Bonjour, père Isan. Mais... Qu'est-ce que vous traînez derrière vous ? Oh, un lapin ! Un drôle de lapin ! C'est quoi là ? Qu'est-ce qu'il dit là ? Je comprends rien et j'ai très peur. Regardez ce qu'il a attrapé avec ses pièges dans la forêt ! Le paysan a attrapé le plus gros lapin qu'on ait jamais vu ! Un grand lapin ! Bon à manger ! Le lapin... Alors Vincent, ce lapin rose géant dont vous nous parliez, il est où ? C'est celui qui a attrapé le paysan. Enfin je crois... Oh, pauvre monsieur lapin. Bon, je peux retourner à mon bureau ? J'ai beaucoup trop de travail, moi. Et je n'ai pas le temps à perdre avec vos prétendues conspirations, Vincent David. Écoutez, il faut vous y faire. Vous avez perdu les élections. Un jour, je prouverai à Troubrébourg que le gros mar rira remarquer. Le gros qui ? C'est gentil, Jennifer, de venir me voir au parloir du centre de détention. Pourquoi avoir fait ça, docteur? Pourquoi vous êtes-vous livré à la police? Il fallait que je le fasse, Jennifer, pour être en paix avec moi-même. Mais vous auriez pu rester en paix avec moi-même. Non, Jennifer, non. Le procès, il est pour quand? La semaine prochaine. Vous viendrez? Il faut bien que quelqu'un vous soutienne, docteur. Merci, Jennifer. Merci. Je vous soutiendrai pour le procès. Je vous soutiendrai. Docteur. Je vous aime, docteur. En 35, feuilleton, concours, internet, écris toi-même ton épisode. Alors pour 500, je choisis la catégorie grand jeu concours, écris toi-même ton épisode. 20, lignes maximum. Maximum. Pardon, 20 lignes maximum. Branchez-vous sur le www.prune.net. Vous avez jusqu'au 10 juin pour écrire en une vingtaine de lignes le résumé de votre épisode. Jeu gratuit sans obligation d'achat par peut-être un ordinateur, un modem et un accès à Internet.